Oui. Comment est-ce que c'est perçu par les jeunes de Closevette aujourd'hui ? Quel est le devenir de vos travaux ? Ah. Comment c'est vécu par les jeunes de Closevette aujourd'hui ? Ben, c'est-à-dire, ça serait aux jeunes Closevétiens oui. de répondre, mais elle est... Non, dans le cadre de Plozarche, on fait une expérience actuellement. D'ailleurs, c'est Laure qui pourrait peut-être mieux en parler. Laure, elle n'est pas là. Je crois que là aussi, si on compare avec l'Aubrac, où il n'y a rien d'équivalent, ou dans le Châtillonnais, où il n'y a eu aucun retour, le fait que la commune possède les films, elle a des moyens pédagogiques qui peuvent être utilisés, qui effectivement peuvent être à la fois instructifs et distrayants. C'est-à-dire, parce que pour les jeunes, ça leur apprend des choses, mais c'est quelque chose qui leur est pas étranger, c'est leur commune, c'est leurs parents, c'est voilà. Donc, je pense que c'est ça peut être une des formes pédagogiques très très intelligente d'initiation au milieu local et a énormément de problèmes, problèmes de l'économie, à l'histoire, mais aussi à l'écologie, pour leur donner le sens du changement. Effectivement, les années 60, pour eux, c'est la guerre de 14. Bon, mais ils ont du mal à imaginer, effectivement, que dans les années 60, il y avait encore des gens quelques personnes qui s'éclairaient à la lampe à pétrole, et il y avait encore des gens qui utilisaient la faucille. Bon, mais... Alors, sur l'utilisation, justement, pédagogique, tant des films que des enquêtes, Jean-Claude a une expérience... qui date des années 90. Et puis, dans le cadre de Plozarche, justement, Laure, qui est, je ne sais pas où elle est, anime actuellement un atelier d'écriture au collège où on fait découvrir à des groupes d'élèves les archives des enquêtes, tant les films que des photos, que des archives sur lesquelles on travaille actuellement. Et ils vont travailler toute l'année sur ces archives pour dresser une fiction qui sera des récits autour de trois grandes catégories. Pour le bourg, ça sera des commerçants. L'évolution. Enfin, ils vont essayer de faire une écriture sur l'évolution, disons, d'une famille depuis les années 60, des gens qui vivent sur le littoral, une famille de pêcheurs, une famille de paysans, une famille de bourg. Donc là, il y a une utilisation pédagogique à partir de... Je voulais répondre à la question sur les jeunes. Moi, j'essaie de sensibiliser mes jeunes proches, mes proches. Quoi. Donc ça ne marche pas trop. Donc, mais je pense qu'en faisant du... En en parlant, et ça peut les intéresser à un moment. Bon, ma fille, j'ai essayé de... Elle est en première scientifique. J'ai essayé de faire quelque chose avec Plozarche pour la motiver sur un sujet scientifique. Donc ça n'a pas encore marché. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ces études nous ont laissé un projet pluridisciplinaire. Enfin, je pense que maintenant, Plozévet peut les utiliser comme moyen où on retrouve des gens qui ont des sensibilités multiples et variées autour de ces études. C'est-à-dire que... Enfin, je pense que c'est un outil de socialisation, comme vous avez dit tout à l'heure, qui permet de toucher des gens qui ont un intérêt, soit sur le passé, folklorique, l'histoire, la géographie, on a vu l'agriculture, on a vu... Enfin, depuis que Plozarche... Moi, je le côtoie, on aborde tout plein de thèmes qui peuvent toucher des gens à des moments différents. Donc, ce qui a peut-être échoué sur l'interdisciplinarité des années 60, là, se maintient. Moi, avec Plozarche, on travaille la science, les aspects scientifiques. Voilà. Donc, je pense que ça reste un outil quand même pour la commune, qui peut être utile. Rencontrer les gens se rencontrent sur un thème pas sportif, c'est autre chose. Mais il y a aussi du sport, il y a aussi... Bon, alors, ça, c'était la première chose. Et ces deux choses, l'aspect scientifique. Donc, ma fille, elle va... j'ai quand même réussi à la raccrocher sur les algues. Donc, ça, c'est quand même... C'était pas dans les enquêtes, mais Voilà, donc elle va travailler avec Christian pour faire du savon à partir de ses pains de soude. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que à table avec un collègue cette semaine, je lui dis que je suis de Plozévette. Il me dit, mais tu as lu Breton de Plozévette ? Je dis oui, qu'est-ce que tu fais samedi ? Donc lui, il vient de soutenir lundi dernier un master en histoire sur une commune du pays Bigoudin. Et il m'a dit, j'ai lu Breton de Plozévette, ça m'a aidé. Voilà. Donc je trouve que ça sert encore pour des gens qui travaillent en histoire sur des choses. Voilà. Donc il n'a pas pu venir aujourd'hui, désolé. Mais est-ce que je peux vous poser une question à propos des jeunes, à propos de votre fille ? Pourquoi, d'après vous, ils ne s'intéressent pas ? Ça ne me surprend pas, mais j'aimerais savoir les raisons. Il y a tout un tas. C'est, au fond, le passé de la commune qui ne les intéresse pas ? Ou c'est parce que ça concerne la commune ? Ou c'est, au contraire, parce que les thèmes qui intéressent les chercheurs ne sont pas ce qui les intéresse ? Dans le cadre de son TPE, oui, c'est clairement ça. Parce que j'ai essayé de retrouver quelque chose qui serait scientifique dans les études. Et donc je suis partie sur... Bon, ils ont fait des études anthropométriques sur les élèves. J'ai dit à Noël, tu pourrais regarder justement si ils ont fait des choses, ils ont mesuré des choses. Tu pourrais prendre une population d'élèves. Voilà, j'ai dit, on pourrait essayer de voir. Est-ce qu'il y a une plus grande variété biologique maintenant ? Parce qu'il y a la génétique aussi dans ce qu'elle apprend. Voilà. Donc, je crois qu'elle, elle voulait faire un thème de... Elle voulait aller interviewer des gens, enfin, des études comme ça. Donc, ça correspondait pas. Voilà. Enfin, bon, de toute façon, on s'est raccroché sur les algues et je trouve que c'est très bien. Mais c'est bon. Elles sont deux, elles ont choisi un thème. Pourquoi elles viennent pas là aujourd'hui ? Parce que elles ont leurs copines, elles ont autre chose à faire. Ils ont raison. Alors, Laure est revenue, je vais lui donner la parole pour... Alors, je ne sais pas qui posait la question de l'implication des jeunes, mais nous, cette année, on a un projet avec le collège, avec une classe de 4e. On a une heure par semaine avec eux et on est parti sur... Donc, je travaille avec une professeure de français. On est parti sur l'idée d'un atelier d'écriture, une écriture fictionnelle, essayer d'avoir 3 récits de vie, des récits de vie de paysans, par exemple, de pêcheurs et de citadins. Et en fait, à la base de cet atelier d'écriture, c'est un travail documentaire sur les fonds d'archives. Alors, ça nous permet d'explorer la diversité des fonds d'archives, donc les archives textuelles, les archives sonores, les archives filmiques, les archives iconographiques. Et donc, forcément, vu que les populations les plus étudiées à Plozévette dans les années 60, c'était ce cas-là, des gens du bourg, des gens de la côte et des gens des campagnes, nous, on est parti sur cette idée-là. Donc, on a eu déjà 3 séances d'ateliers d'écriture. Alors, bon, voilà, c'est des 4e. On produit pas des pages et des pages, mais là, on a eu une première séance sur la description. Donc on s'est inspiré d'images qu'on avait vues dans les films, de descriptions qu'on trouvait dans Breton de Plozévette, dans la métamorphose de Morin, dans des rapports aussi. C'est une manière pour eux d'écrire, de lire, d'écouter, de voir et de restituer. Et on se rend compte que dans leurs quelques lignes, parce qu'on en est à ce stade-là, eh ben, ils sont imprégnés des images des années 60, des images qu'on a grâce aux enquêtes. Donc voilà, vous pouvez voir, ça sera posté sur le blog toutes les semaines, toute l'année. Il y aura une restitution finale avec une mise en théâtre, une scénographie et des lectures. Voilà.